Exercice 8, page 64, Virelangue. Un toutou peureux trouve une poule et deux œufs. Un toutou peureux trouve une poule et deux œufs. Un toutou peureux trouve une poule et deux œufs.